Un jour je me baladais, j'avais 10 ans à peine, et j'étais coincé dans le bourg d'Irue. Et là j'y rencontrais une fillette qui chantait différemment d'une chouette qui ululait. Elle dit s'appeler Malon, la fille du père Talon, le proprio du ranch qui est dans la plaine. Elle recherchait son père qui souvent roupillait en livrant du lait devant le palais. Elle est canon, la fille du ranch Lonlon, dans la plaine sa douce voix se fait entendre. Elle garde pas des moutons, la fille du ranch Lonlon, ses veaux sont roux comme les feuilles en novembre. Dans le ranch y'a des poules, des vaches du lait qui coule, des chevaux qui courent partout sans savoir où. Dans le ranch y'a Ingo, qui travaille à gogo, qui ronchonne pour son boulot depuis toujours. Dans le ranch y'a de la paille, mais y'a que paille qui maille, et puis les poules y planquent leurs œufs en or. Mais quand Malon les prend, pour après les revendre, j'ai envie de dire que je l'aime et que je l'adore. Wouh! Elle est canon, la fille du ranch Lonlon, ses yeux sont bleus comme de l'eau chlorifiée. Elle garde pas des moutons, la fille du ranch Lonlon, quand elle me regarde j'ai l'impression de rêver. Lonlon, elle a une jument qui se nomme Epona. Elle garde pas des moutons, la fille du ranch Lonlon, elle appelle Epona en chantant ça. Elle est canon, la fille du ranch Lonlon, dans sa plaine sa douce voix se fait entendre. Elle garde pas des moutons, la fille du ranch Lonlon, ses veuches sont roux comme les feuilles en novembre. Wouh!